Chapitre 4. Le cirque, allant de ville en ville, s'éloignait de plus en plus du pays natal de Tonki Larron. Celui-ci en concevait de l'inquiétude et de la mauvaise humeur. Aussi, pendant les représentations, il cessa de bien jouer son rôle. Au lieu d'être celui qui fait tout rater, il était celui qui fait tout réussir. Les clowns ne heurtaient plus sa charrette, les poneys dansaient librement, le chien sautait les obstacles et la citrouille ne versait jamais. La scène était alors des plus banales et les spectateurs ne s'amusaient pas beaucoup. Le directeur du cirque disait « Je ne sais ce qui me retient de vendre cette âne dépourvue de malice. Il ne me rend plus aucun service. » Il n'eut point la peine de le vendre. Un soir, à la brune, Tonki Larron déguerpit. Il courut toute la nuit dans une direction qui lui semblait être la direction de son pays. À l'aube, il mangea de tendres chardons, puis se coucha dans un petit bosquet. Le soir venu, il reprit sa course. Mais bientôt, il fut très fatigué. Il se dit que, voyageant de la sorte, jamais il n'arriverait à Clairefontaine. Il serait arrêté en chemin et ramené au cirque, où rien de bon ne l'attendait sans doute. Or, comme il approchait d'un village, il vit un camion en panne, derrière lequel était accrochée une remorque couverte d'une bâche. Le camion était en panne faute d'essence et le chauffeur avait couru au village voisin pour en chercher. Tonki Larron savait combien vont vite les camions automobiles. Celui-ci, en peu de temps, pourrait le conduire fort loin. Tonki Larron n'hésita pas. Il sauta sur la remorque qui était très basse, se coula sous la bâche, s'y coucha et ne bougea plus. Le chauffeur revint avec un bidon d'essence dont il vida le contenu dans le réservoir. Puis il mit le moteur en marche, embraya et voilà le camion parti. Tonki Larron voyagea ainsi tout le reste de la nuit. Le jour venu, le camion s'arrêta à l'entrée d'une ville devant le bureau d'octroi. « Avez-vous quelque chose à déclarer ?» demanda l'employé d'octroi. « Non, répondit le chauffeur. D'ailleurs, voyez par vous-même. » L'employé souleva la bâche de la remorque et il dit « Pour commencer, je vois toujours bien un âne. Ne vous moquez pas de moi, répondit le chauffeur en riant. Mais comme l'autre insistait et semblait même sur le point de se fâcher, il descendit de son siège. « Montrez-le-moi, cet âne, dit-il à l'employé. Le voici. Quoique petit, il est visible. » Le chauffeur, ébahi, n'en croyait pas ses yeux. « C'est trop fort, » s'écria-t-il. « Par quel miracle, cet âne peut-il se trouver sous cette bâche ?» Il reprit, en se grattant la tête. « Voilà une sotte histoire. D'où vient-il, cet âne, pourvu qu'on ne m'accuse pas de l'avoir volé ?» Pendant qu'il discutait avec l'employé, Tonki Larron, sautant à bas de la remorque, se glissa entre les deux hommes et détala comme un lièvre. Tonki Larron trotta au hasard jusqu'à un bosquet dans lequel il se cacha pour toute la journée. Quand la nuit fut tombée, il s'aventura encore une fois dans la campagne. Cette campagne ne ressemblait point au pays natal. Le grondement des trains se faisait entendre dans toutes les directions. À l'horizon, les feux d'une grande ville embrasaient le ciel. Tout autour de cette ville, on devinait les maisons espacées d'une vaste banlieue. Tonki Larron, inquiet, s'avança sur une prairie rase. À l'extrémité de cette prairie, on voyait des constructions longues et basses. Des lampes puissantes brillaient dans la nuit. « À quoi peuvent servir ces hangars ?» se demanda Tonki Larron. Les alentours en sont bien éclairés. Il fit encore quelques pas et rencontra un chat. Celui-ci lui demanda sans autre formule de bienvenue « As-tu traversé l'Atlantique ?»« Quoi ?» fit Tonki Larron en secouant les oreilles. « Je te demande si tu as traversé l'Atlantique en avion. Car si tu n'as pas, pour le moins, traversé l'Atlantique, tu n'es pas un compagnon avec lequel je puis prendre plaisir à causer. » apprend que j'arrive de Madagascar sur un monoplan de 500 chevaux et que j'ai fait le voyage sans escale. C'est un raid, cela, mon ami, ou bien je ne m'y connais pas. Quel animal pourrait prétendre à une célébrité égale à la mienne ? Tu me diras, il y a le chat de Lindbergh. Mais quel voyage merveilleux a-t-il donc accompli, le chat de Lindbergh ? Lorsque son maître a volé de New York à Paris, au mois de mai 1927, il ne l'a point accompagné. Il était tout seul au bord du Spirit of St. Louis, Lindbergh. Des milliers de personnes peuvent en témoigner, et moi-même, j'étais sur l'aérodrome du Bourget quand il est descendu de sa carlingue. « Qu'est-ce que tu me chantes, toi ? » demanda-t-on hilarant. « N'es-tu pas un peu fou ?»« Grrr !» fit le chat. Et il disparut dans la nuit. Soudain, un faisceau de lumière intense jaillit d'une des constructions lointaines. Un projecteur semblait fouiller le ciel. D'autres feux s'allumèrent, diversement colorés. Toute la prairie fut illuminée. Puis un ronflement se fit entendre en l'air. Tonquilaron n'était pas revenu de sa surprise qu'un énorme oiseau se posa dans la prairie. Et du ventre de cet oiseau, plusieurs hommes sortirent, portant des paquets. Tonquilaron était arrivé près d'un aérodrome et il venait d'assister à l'atterrissage d'un avion postal. Le lendemain matin, au point du jour, malgré gardiens et palissades, il se présentait à l'engrais d'un hangar. Comment avait-il pu parvenir jusque-là ? On ne se l'expliqua jamais bien. Les gardiens et les mécaniciens pensèrent qu'il tombait du ciel. D'où sort ce grison ? Se trouvait-il dans l'avion qui vient d'atterrir cette nuit ? Un peu plus tard, des aviateurs arrivèrent. Ils s'écrièrent joyeusement « Bienvenue à ce nouveau pilote !» En réponse, Tonquilaron se mit à braire. Tout le monde se rassembla autour de lui. « C'est un âne égaré, dit l'un, il faut le conduire à la fourrière. » Mais un autre ajouta « C'est un gentil petit âne, il semble plein de malice. Pourquoi ne le garderions-nous pas ici en attendant que son maître le réclame ? Il y serait mieux qu'à la fourrière. » « C'est cela, dit le chef pilote, adoptons-le en attendant. Pour ma part, je serais enchanté de lui donner le baptême de l'air. Il est si petit qu'il ne me gênerait pas beaucoup. » Tonquilaron resta donc à l'aérodrome où chacun le gâta. Mais lorsque le chef pilote voulut le faire monter dans la carlingue d'un grand avion pour lui donner le baptême de l'air, Tonquilaron se montra rétif absolument. Voyager dans le ventre de ce grand oiseau, non, cela ne le tentait pas du tout. Il n'était pas encore assez familier avec la locomotion aérienne. Pourtant, il assistait journellement à de nombreux départs ou atterrissages. Il voyait s'élever des ballons libres, gonflés à l'hydrogène ou au gaz d'éclairage, et qui emportaient, suspendus à la nacelle où se tenaient les aéronautes, une ancre, un guide-rope et des sacs de lest. Deux grands hangars à charpente métallique abritaient des ballons dirigeables, des ballons en forme de poisson avec une ou plusieurs hélices que faisaient tourner de puissants moteurs. Surtout, Tonquilaron voyait de près des avions de toutes sortes. Des monoplans, des biplans, des triplans, des aviettes à faible surface portante, des avions commerciaux puissants et stables, des appareils de tourisme aux luxueuses cabines, des appareils équipés pour atteindre les hautes altitudes ou pour voler à très grande vitesse, enfin des appareils destinés aux grands raids d'un continent à l'autre, pouvant emporter par conséquent plusieurs tonnes d'essence. Il assista à de nombreuses descentes en parachute. Il assista même à des essais de vol à voile où des avions sans moteur, lancés du haut d'une éminence, se maintenaient en l'air grâce au vent pendant plusieurs heures. Le chat que Tonquilaron avait rencontré la nuit de son arrivée allait souvent en avion et ne s'en montrait pas peu fier. Jamais il ne s'était vu un chat plus vantard. accompagnait-il le chef pilote, faisant, avec un élève, deux ou trois tours au-dessus de l'aérodrome. À la descente, il annonçait qu'il venait de survoler la Sibérie ou le continent noir. Il avait fait, disait-il, plus de 20 fois le tour du monde, s'était élevé beaucoup plus haut que l'Himalaya, avait failli mourir de soif lors d'une panne en plein Sahara et être dévoré par des requins à bord d'un hydravion de la marine qui, par suite d'une fuite au réservoir d'huile, avait dû amerrir en plein océan Indien. Tonki la Ronde ne se gênait pas pour mettre en doute ses affirmations et se moquer de lui. « Je viens de battre le record de la hauteur. Hâbleur, j'arrive du Congo par Gibraltar. Vantard, j'ai volé à la vitesse de 500 km. Peut-être. 500 km à l'heure, près de 140 mètres à la seconde. Quel compte! Et c'était contre le vent. Ihan! Grrr !» faisait le chat irrité. À son tour, il se moquait de Tonki la Ronde qui n'avait jamais osé quitter la terre ferme. Un jour, un honnête caniche prit place avec son maître sur un avion postal. Il ne revint que le surlendemain, ayant traversé la France par la voie des airs, à l'aller et au retour. Il raconta simplement son voyage, parla des villes qu'il avait vues de haut, des fermes, toutes petites au milieu de la campagne, des forêts et des taillis qui faisaient des taches d'un vert sombre. Cela fit réfléchir Tonki la Ronde. Il avait toujours cette idée fixe qu'un jour ou l'autre il reviendrait à Clairefontaine. Oui, il voulait revenir à la ferme natale. Il le voulait comme il savait vouloir, fortement, obstinément, avec une opiniâtreté invincible. Mais comment revenir ? Assurément, il se trouvait à présent fort éloigné de son pays. Il ne savait même pas dans quelle direction se trouvait ce pays. Comment faire ? Comment faire ? Tonki la Ronde réfléchit encore un peu, pesa le pour et le contre, et enfin, 1, 2, 3, il prit soudain une décision. Il prit la décision de monter, lui aussi, en avion, pour essayer de se rapprocher de son pays, ou tout au moins de s'orienter. Le chef pilote allait justement essayer un nouvel appareil. Tonki la Ronde trotta vers l'avion et se plaça le long du fuselage. « Quoi ? » s'écria l'aviateur. « Est-ce enfin pour aujourd'hui ce baptême de l'air ?» Tonki la Ronde, le museau levé, agitait vivement les oreilles. Alors, le chef pilote et ses aides hissèrent en riant l'âne dans la carlingue et ils l'attachèrent. Puis le moteur ronfla, l'hélice tourna et l'appareil se mit à rouler face au vent sur l'aérodrome. Quand la vitesse fut suffisante, le pilote tira doucement à lui le levier de manœuvre commandant le gouvernail de profondeur. Les roues du train d'atterrissage quittèrent le sol, l'appareil cabré piquait vers le ciel. Tonki la Ronde vit la terre s'enfoncer, l'horizon s'élargir. Bientôt, l'aérodrome ne fut plus qu'une tache verte et brune. Des hommes, s'affairant autour des hangars, semblaient des fourmis parmi de gros grains de sable. L'avion montait toujours. Il passa à travers un nuage. Au-dessus de ce nuage, le soleil brillait dans un ciel pur, ce qui n'empêche pas qu'il fît très froid. L'altimètre indiquait le nombre 4000. L'avion redescendit. Le pilote le lança en ligne droite à une vitesse effrayante. Tout allait bien, le moteur ronflait régulièrement. L'avion était stable et facile à diriger. Alors le pilote, appuyant tantôt d'un pied, tantôt de l'autre, sur le palonnier qui commandait le gouvernail de direction, prit de courts virages, tantôt à droite, tantôt à gauche. Puis l'appareil glissa sur l'aile, tomba comme une feuille morte, se redressa, se cabra, se retourna complètement. Pendant quelques secondes, le pilote et Tonki la Ronde se trouvèrent la tête en bas. Enfin, le pilote arrêta le moteur et atterrit en vol plané juste au milieu de l'aérodrome. Tonki la Ronde n'avait éprouvé ni frayeur ni vertige. Le lendemain, un autre aviateur l'emmena en un nouveau vol d'essai au-dessus de la campagne. Le lendemain et les jours suivants, il prit encore le chemin désert. Et bientôt, il put rivaliser avec le chat Hableur pour le nombre des heures de vol. Il fit de longs voyages, survola Paris, Londres, Bruxelles, alla jusqu'en Algérie. Il était si bien habitué au ronflement du moteur qu'il percevait les moindres bruits anormaux. Certains ratés qui échappaient à l'oreille du pilote ne lui échappaient point à lui tant qu'il a rond. Pour les signaler, il se mettait à braire à tue-tête. Aux heures de danger, pendant les atterrissages difficiles, il ne s'affolait jamais. Un jour, l'appareil sur lequel il se trouvait brisa son train d'atterrissage en touchant le sol et capota. L'essence prit feu. Le pilote, qui par bonheur avait été projeté à terre, se releva vite et put tirer tant qu'il a rond des flammes. Mais l'âne avait le poil complètement roussi. Cette mésaventure ne l'empêcha point de prendre place, dès le lendemain, sur un nouvel appareil. C'est qu'il avait toujours son idée fixe. C'est qu'il n'avait pas encore pu, au cours de ses voyages, découvrir la ferme de Clairefontaine. Or, un matin, comme l'avion qui l'emportait volait très bas, au-dessus de la campagne couverte d'une brume légère, Tonquilaron tressaillit. Ce pigeon, ce gros pigeon aux ailes bleutées qui conduisait une bande de ses pareils au pillage des récoltes, il lui semblait l'avoir déjà rencontré quelque part. N'était-ce point un tourlourd le cravaté? Passant la tête hors de la carlingue, Tonquilaron regarda attentivement la campagne. Juste à ce moment, la brume se dissipait. Et il distingua très nettement d'abord le taillis aux merles, puis le bourg où sont les écoles, et enfin la ferme natale, Clairefontaine. Alors il se retourna vers le pilote et se mit à braire. Il se mit à braire avec une ardeur sans pareille. Il se mit à braire d'une voix formidable qui semblait emplir tout l'espace. Le pilote, inquiet, écouta le bruit du moteur. Mais le moteur ne lui semblait pas avoir dératé. Il vérifia le niveau de l'essence, le niveau de l'huile, jeta même un coup d'œil à sa boussole, à sa carte, tout allait bien et il était dans la bonne direction. « Qu'est-ce qui se passe donc ?» se demanda-t-il. « L'âne n'a pas l'habitude de faire, sans raison, pareille musique. » Cependant, Tourlourd, à tire-d'aile, était revenu à la ferme et il annonçait aux bêtes l'incroyable nouvelle. « Se peut-il ? » fit Pandour en levant brusquement la tête. « J'ai toujours soutenu que ce petit était étonnant, des brunettes aux yeux calmes. » De son côté, la fillette de la fermière, reconnaissant la voix de l'âne, avait appelé ses parents et tout le personnel de la ferme. Chacun regardait vers l'avion et levait les bras en poussant des cris de surprise. La fillette sautait en l'air et battait des mains. « Tonquilaron qui revient ! Tonquilaron qui revient en avion !» Le pilote vit tous ces gens qui semblaient lui faire des signes. « Qu'est-ce qui se passe ? » se demanda-t-il encore. « On veut sans doute me signaler quelque chose. » Comme l'âne continuait toujours à braire éperdument, « Pas de doute, se dit le pilote, il y a un danger que je ne soupçonne pas. Atterrissons !» Il coupa l'allumage et alla se poser doucement, derrière la ferme, au milieu d'une grande prairie. Tonquilaron chantait, à présent, d'une voix claironnante. « Deviens-tu fou ?» demanda le pilote. Mais Tonquilaron était déjà parti. Ventre à terre, il galopait vers la ferme. Il s'arrêta net au milieu de la cour. Tout le monde l'entourait en criant « Tonquilaron est revenu ! Tonquilaron ! Tonquilaron !» Le pilote vint à son tour et le fermier lui donna l'explication de ce qui se passait. Le pilote dit « Vous devez être content de retrouver ce petit âne plein de malice. » Puis, comme il était très pressé, il alla vers son avion et reprit son vol. Le fermier se disait, L'âne est revenu, c'est très bien, mais nous ne pouvons le garder, car il n'est plus à nous. » Il écrivit au directeur du cirque. Celui-ci répondit : « Gardez votre âne dépourvu de malice, il ne me rendait plus aucun service. » C'est ainsi que Tonquilaron demeura à Clairefontaine. Il y est encore. Il n'est point dépourvu de malice, comme le croyait le directeur du cirque. Mais, assagi par l'âge, les voyages et les aventures, il ne s'en montre plus ni paresseux, ni rétif. Il lui arrive encore de s'entêter, mais c'est toujours pour le bien. Par exemple, quand la charrette aux roues ferrées est trop lourdement chargée, il s'entête pour la faire démarrer et il finit par y réussir. Il est choyé de tous. Sa réputation d'âne savant et d'âne volant lui vaut la considération des autres bêtes et une place à part. À la ferme de la Clairefontaine, quand les bêtes vont au champ, c'est Pandour qui va devant, puis viennent les autres chevaux, puis Brunette aux yeux calmes et les autres vaches, puis les chèvres et les moutons, puis le chien, puis la bergère, et enfin Tonquilaron, tout petit et tout seul, derrière.